joie d'aimer, d'être deux sur la terre, c'est regarder s'écouler les années tout doucement, comme l'eau des rivières, tout doucement, comme l'heure au clocher. La joie d'aimer, d'être deux à se plaire, c'est retrouver la chaleur d'un baiser, toujours le même, toujours le même, toujours, toujours sans se lasser. C'est partir ensemble vers un unique avenir. La joie d'offrir le meilleur de soi-même dans un amour qui fleurit jour et nuit, c'est le garder dans son cœur, dans ses veines, toute une vie. C'est le garder dans son cœur, dans son...